boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. You start to recoil, heavy words are so lightly thrown, but still I leap in front of a flying bullet for you. So what difference does it make? So what difference does it make? It makes none, but now you have gone, and you must be looking very old. We'll find work for idle hands to do. I've stolen, I've lied, and why? Because you asked me to. But now you make me feel so ashamed, because I've only got two hands, but I'm still fond of you. Oh, so what difference does it make? Pour commencer notre 120e Pop and Rock, et ce soir et ce soir seulement sur la très locale Radio Val de Rhin, c'est une session iTunes. Le principe, je vous le rappelle, je lance mon Mac, j'ouvre iTunes et je laisse défiler la random. Comme ça, vous savez ce que j'écoute au quotidien à la maison. Attention, les enchaînements peuvent être violents, puisque après les Smiths, voilà Hubert Félix Thiéfen. Les hémisphères bleus de la lune jouent avec ton regard troublant. Quand tu te fous de l'amertume de ceux qui te baisent en rêvant, je reste là dans ta dérive à contempler le jour naissant de ta frêle beauté qui esquive tous les futurs compromettants. D'offrir leur flamme énigmatique pour éclairer les déferlantes au fond de tes yeux magnétiques. Les cœurs de l'armée du salut se mettent en transe lorsque tu danses et tu téléphones au SAMU pour qu'on le ramène aux urgences. J'espère que vous êtes toujours là et que vos oreilles ne saignent pas encore, parce qu'avec un enchaînement entre les Smiths et Hubert Félix Thiéphaine, je crois qu'on peut faire encore plus fort. On enchaîne avec un groupe, le groupe mi-ricain, mi-français. Le ricain, c'est Peter, la française, c'est la prétentieuse Eugénie. On écoute en troisième titre pour ce soir, Pearl of Snakes avec le titre Like a Dog. Yeah. C'était Parlor Snacks avec le morceau Like a Dog. Si vos oreilles saignent, on va essayer de les laisser respirer un peu avec la belle PJ Harvey. Alors ouais, je sais, ça peut faire mal, mais le morceau iTunes de ce soir s'appelle We Float. Oui, iTunes, c'est alterner l'énergie des Parlor Snacks avec la douceur rare de PJ Harvey. We'll be right back. We Float de l'éternel, de l'indémodable PJ Harvey. D'ailleurs, en parlant d'indémodable, pas sûr que cet adjectif soit le bon pour définir le plus grand dandy rock grand breton des années 80, mais c'est l'enchaînement prévu, alors après la ténébreuse PJ Harvey, écoutons le limbo de l'ex-chanteur de Roxy Music, Brian Ferry. Tous les mercredis, retrouvez Pop & Rock sur RVR. We'll be right back. dans ma bibliothèque musicale, Brian Ferry côtoie les Californiens des Warlocks qui, fin 2020, nous offraient ce splendide instrumental, Brian Johnstonien, dirais-je, Houston Jew, issu de leur album The Chain, à écouter comme je vous encourage à écouter le titre suivant des Sonic Youth, Midnight Pills. Sonic Youth, le groupe de Thurston Moore, qui depuis quelques temps préfère les aventures solo à ses histoires de rock familial. Mais trêve de brève, on enchaîne avec le titre joyeux Something Inside of Me de The Chorale, qui d'après mes infos vient de sortir un nouvel album, donc histoire à suivre. On écoute The Chorale. Something inside of me feels like I've been wanting you forever. Never be another century. No time to think about the weather. When there's something inside of me, something inside of me, something inside of me, and now I can't look back. The invisible invasion, it's like a stranger strangled on the wall. Into the void, but now I'm gone. 5 a.m, I'll be knocking at your door. Something inside of me, something inside of me, something inside of me, and now I can't look back. Hurting me, what you think I'm supposed to be when something inside of me feels like I'll be wanting you forever. Never be another century. There's no time to think about the weather when there's something inside of me. Something inside of me. Something inside of me. Now I can't look back. Et tiens, maintenant, si on se faisait un petit oldies but goldies, pas sûr que vous connaissiez ce très vieux titre de Local and the Commotion. Ça parle de deux chevaux. Si, des grands bretons qui parlent de deux chevaux. La preuve, écoutez. She drove her mother's car, 'twas a deux chevaux. I was most impressed by her casual dress. I was most impressed. Inside a rented room, color deep as blue, I suppose we found some kind of happiness to fill the emptiness. We were simply wasting precious time, hiding from the coolest summer sky. She took her mother's car to get away from me. Heaven knows that I can sympathize. Oh, I can sympathize. For we were never close, if the truth were told. All we ever shared was a taste in clothes. Oh, we were never close. We were simply losing everything underneath the cruelest London sun. Bon, ok, ce soir dans notre pop and rock sur RVR, certains enchaînements, sans être dénués de sens, peuvent malgré tout surprendre, mais le titre suivant, niveau enchaînement, c'est du cousu main, car après le deux chevaux chanté par Lloyd Cole, on file à la vitesse du vent avec le 69 Corvette de Jonathan Wilson. Attention to their manners just as they are leaving. if they thank you for the food and for the wine. Well, it floats right by on one day you're looking at Polaroids and grieving. So remember to tell them you love them. Slowing down, not easy thing to swallow when it's your old man. Well, it floats right by to one day you look at the Polaroids and grieve it. So remember to tell them you love them. Des émissions de Pop and Rock, rendez-vous sur la page Facebook de Pop and Rock, les petits enfants du rock. Well, I thought gold and diamond rings, my own drug is pain that living brings. Walk from the mountain to the valley. Searching for my beautiful reward. Searching for my beautiful reward. From a house on a hill, a sacred light shines. I walk through these rooms, but none of them are mine. Down empty hallways I went from door to door, searching for my beautiful reward, searching for my beautiful reward. Well, your hair shone for my beautiful reward. Just searching for my beautiful reward. Tonight I can feel a cold wind at my back. I'm flying high over gray fields, my feathers long and black. Down along the river, silent edge I soar, searching for my beautiful reward, searching for my beautiful reward. Searching for my beautiful reward. Searching for my beautiful reward. My Beautiful Reward, issu de Lucky Town, du boss Bruce Springsteen. Et là, la petite musique qui arrive en douceur, c'est le frangin et la frangine Stone, Angus et Julia Stone avec le titre Joyous Words. See her come down through the clouds. Feel like a fool. I ain't got nothing left to give. Nothing to lose. So come on, love. Try our swords. Shoot me to the ground. You are mine, I am yours. Let's not fuck around. You are the only one. Cause you are. I see them snakes come to the ground. They choke me to the bone. How they tie me to that wooden chair. Here on my throne. Come on, love, draw your sword. Shoot me to the ground. You are mine, I am yours. Let's not fuck around. You are the only one. Cause you are. Alanis Morissette est une des nombreuses perles du rock qui, aujourd'hui, après plus de 33 millions d'albums vendus, doit vivre dans le calme d'une forêt canadienne. C'est d'ailleurs ce que pourrait faire un de mes gourous préférés, Bob Smith des Cure, pour au moins 70 secondes. Voilà, notre session iTunes s'achève. On va se dire au revoir au son des Irlandais qui, dans les années 80, n'écrivaient que des hymnes. On se quitte avec l'emblématique, le magnifique Like a Song de la bande à Bono. Non, pas le gang, juste les U2. Et sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bis à tous. Stay.